إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس 15 من مجالس شهر رمضان، وسنتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن فضل العشر الأخير من رمضان. Donc ceci est la 15e assise des assises du Ramadan, dans laquelle nous allons parler, inshallah ta'ala, du mérite des 10 derniers jours. Des 10 derniers jours dans lesquels nous entrerons ce soir, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de nous accorder un temps de vie nécessaire pour, inshallah ta'ala, arriver à ces 10 dernières nuits de Ramadan, qui sont les 10 meilleures nuits de l'année, qui sont les 10 dernières nuits de l'année, et Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour ses serviteurs subhanahu wa ta'ala de nombreuses récompenses et de nombreux mérites pour celui qui l'adore azza wa jal dans ces 10 derniers jours, donc durant ces 10 dernières nuits. فمن خصائص هذه العشر الأواخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Et ces 10 dernières nuits ont des particularités. Parmi ces particularités est que le prophète alayhi salatu wassalam redoublait d'efforts et accentuait les actes d'adoration durant ces 10 dernières nuits de Ramadan. Il le faisait plus que durant les autres nuits de l'année. Aïcha radiallahu anha rapporte, comme cela est présent dans les sahih de l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant les dix derniers jours, c'est-à-dire de Ramadan, plus que tout autre jour. Et dans l'autre hadith, elle dit radiallahu ta'ala anha, en décrivant l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam durant ces 10 dernières nuits de Ramadan, elle disait radiallahu anha, lorsque les 10 derniers jours de Ramadan entraient, le prophète sallallahu alayhi wassalam kana yashuddu mi'zarahu. Al-mi'zar, c'est ce qui couvre la partie basse du corps, que le prophète sallallahu alayhi wassalam serrait son izar. Ceci est une image qu'a donné Aïcha radiallahu anha. C'est une métaphore pour montrer que ici le prophète alayhi salatu wassalam délaissait le fait d'avoir des rapports avec son épouse, avec ses épouses pendant ces 10 derniers jours, et qu'il se préparait avec fermeté à redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 dernières nuits. Certains savants ont dit que cela signifie le fait de délaisser, d'avoir des rapports avec ses épouses. D'autres ont dit cela est une image pour montrer la détermination du prophète alayhi salatu wassalam. Et d'autres savants ont dit que ce sont les deux à la fois. Qu'à la fois le prophète alayhi salatu wassalam délaissait les rapports avec ses épouses durant ces 10 derniers jours de Ramadan, et qu'il redoublait d'efforts également. Wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit. Il veillait les nuits, les 10 dernières nuits de Ramadan, et il réveillait sa famille également, alayhi salatu wa salam. Et il réveillait également sa famille, alayhi salatu wa salam. Dans ces hadiths, il y a une preuve tout d'abord du grand mérite de ces 10 derniers jours de Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant ces 10 derniers jours. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts pendant ces 10 derniers jours, cela est une preuve claire que ces 10 derniers jours ont un mérite particulier et que ces 10 dernières nuits de Ramadan ont un mérite particulier vis-à-vis des autres nuits. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque l'on dit qu'il redoublait d'efforts dans l'adoration, cela inclut l'ensemble des types d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit la prière, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit le dhikr, l'évocation d'Allah azza wa jal, que ce soit le fait de donner des aumônes ou toute autre adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts dans celle-ci. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam veillait ses nuits en priant, en lisant le Coran, en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant le dhikr par son cœur, par sa langue et par les membres de son corps, alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam faisait ainsi car il voulait que ses adorations dans lesquelles il veillait la nuit coïncide avec la nuit de Al-Qadr. La nuit de Al-Qadr, appelée Laylatul Qadr. Cette nuit dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui veille cette nuit et prie durant cette nuit avec foi et conviction, c'est-à-dire avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la conviction d'obtenir la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour ceux qui l'adorent durant cette nuit de Al-Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Il verra ses péchés antérieurs pardonnés. Dans ce hadith d'Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit, c'est-à-dire qu'il veillait la nuit durant avec différents types d'adoration. Car un autre hadith de Aïcha radiallahu anha, rapporté par l'imam Muslim, où elle dit radiallahu anha: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. Je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier une nuit entière jusqu'au matin. Il n'y a pas de contradiction entre ce hadith de Aïcha radiallahu anha et l'autre hadith où elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit, les dix dernières nuits. Car dans le second hadith, elle nie le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toute la nuit jusqu'au matin. Et les savants ont rassemblé entre ces deux hadiths en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne passait pas toute sa nuit à prier. Mais il priait, il lisait le Coran, il faisait le dhikr, ainsi de suite. مما يدل على فضيلة العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله كان يوقظهم للصلاة وللذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة. Ce qui prouve également les mérites de ces 10 dernières nuits est que le prophète صلى الله عليه وسلم réveillait sa famille pour qu'il prie et qu'ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est une occasion en or qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Et c'est une occasion qu'il ne faut absolument pas manquer. Ces 10 dernières nuits, le croyant ne peut passer à côté. C'est l'occasion de l'année pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et obtenir un maximum de bonnes actions et de bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. ces nuits ne sont des nuits comptées. Il n'est pas possible qu'un croyant qui espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est à la recherche de sa satisfaction, passe à côté de cette occasion. Et malheureusement, un certain nombre de musulmans ne se rendent pas compte de l'importance de ces 10 dernières nuits de Ramadan. Et passent souvent ces nuits dans des futilités, soit devant la télé, à zapper les chaînes les unes après les autres, ou soit à regarder des séries ou autres, ou soit à passer ces nuits à parler de choses futiles, voire de choses interdites. Le musulman n'est pas ainsi. Il prend conscience de l'importance de ces 10 dernières nuits et se consacre entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant celle-ci. Et il n'est pas proie au shaitan. Il n'est pas proie au shaitan car il sait que le diable est son ennemi. Inna shaitan alakum adou, fattakhidouhu adouwa, innama yad'u hizbahu liyakounu min ashab al-sa'ir. Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient du nombre des gens de la fournaise. Wa min khasa'is hadhihi al-'ashr anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana ya'takifu fiha. والاعتكاف هو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وهو من السنن الثابتة في الكتاب والسنة. Ce qui prouve également le mérite de ces 10 dernières nuits est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf, la retraite spirituelle. Et la définition de l'i'tikaf signifie le fait de rester à la mosquée pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est rapporté dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Allah azza wa jal dit dans surat al-Baqarah: وَعَاشِرْ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال إني اعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أوتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. Rawahu Muslim. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Baqarah, dans le sens du verset: ne cohabitez pas avec elles, c'est-à-dire avec vos épouses, pendant que vous êtes en retraite spirituelle. Ainsi, parmi les interdits de l'i'tikaf, le fait d'avoir un rapport avec son épouse ou de commettre des préliminaires qui pourraient amener à ce coït. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths sont nombreux qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite spirituelle et a encouragé sa communauté à le faire. Le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite spirituelle à l'i'tikaf durant les 10 premiers jours de Ramadan, puis il l'a fait pendant les 10 jours médians. Puis il a dit alayhi salatu wassalam: j'ai fait la retraite spirituelle les 10 premiers jours en recherchant cette nuit, c'est-à-dire la nuit de Al-Qadr. Puis j'ai fait la retraite spirituelle durant les 10 jours médians. Puis on est venu à moi et l'on m'a dit: elle se trouve dans les 10 derniers jours. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui d'entre vous qui souhaite faire l'i'tikaf, qu'il le fasse alors. Ainsi Aïcha radiallahu anha a dit: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر أواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. عائشة رضي الله عنها affirme donc que le prophète صلى الله عليه وسلم a par la suite consacré l'i'tikaf aux 10 derniers jours de Ramadan jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala emporte son âme. Et par la suite, ces femmes ont fait l'i'tikaf après la mort du prophète alayhi salatu wa salam. Et dans l'autre hadith de Aisha radiallahu anha, rapporté par Al-Bukhari, elle nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire 10 jours de retraite spirituelle durant le mois du Ramadan, sauf l'année dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait mourir. Le prophète alayhi salatu wa sallam a fait l'i'tikaf pendant 20 jours. Et les savants ont dit que ces 20 jours, à savoir les 20 derniers jours de Ramadan, les 10 jours médians et les 10 derniers. Cela nous prouve la détermination du prophète sallallahu alayhi wa sallam à adorer son Seigneur. Et que lorsque la personne avance son âge et lorsqu'elle sait que le moment de sa mort approche, eh bien il doit redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit redoubler d'efforts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, que ce soit pendant l'i'tikaf ou que ce soit lorsqu'il récitait le Coran à Jibril alayhi salam. Il le récitait une fois, le Coran entier, une fois pendant le Ramadan, sauf l'année dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Il l'a sallallahu alayhi wa sallam récité à deux reprises sur Jibril alayhi salam. Et ce Ramadan là dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses 20 jours de retraite spirituelle correspond au Ramadan de la 10e année de l'Hégire, car le prophète alayhi salatu wa sallam tufiya fi shahri rabi'in al-awwal li sanati 11, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé dans le mois de Rabi' al-awwal de la 11e année de l'Hégire alayhi salatu wassalam. Et beaucoup de hadiths montrent la détermination des compagnons radiallahu anhum à faire la retraite spirituelle. Ainsi, dans le hadith de Aisha radiallahu anha, elle nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entrait en i'tikaf, il entrait après avoir accompli la prière du Fajr. Et ceci nous amène au sujet de celui qui veut faire la retraite spirituelle à l'i'tikaf. Quand doit-il entrer à la mosquée et quand doit-il en sortir? Certains savants ont dit que celui qui fait l'i'tikaf rentre à la mosquée après la prière du Fajr du 20e jour. Ainsi faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Et il doit y rentrer de préférence avant l'heure du Maghrib. Avant l'heure du Maghrib. Pourquoi? Car lorsque le Maghrib arrive le 20e jour, nous entrons dans la 21e nuit. Et la 21e nuit, comme on le verra par la suite, est une nuit impaire parmi les dix dernières. C'est donc une nuit dans laquelle il est possible que Laylat al-Qadr coïncide avec elle. Ainsi, le Mu'takif, lorsqu'il entre à la mosquée avant l'entrée de ces 10 dernières nuits, alors il a, Inch'Allah ta'ala, plus de probabilité de prier et de veiller pendant cette nuit de Al-Qadr. Une année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré en i'tikaf, puis Aisha radiallahu anha a demandé à monter une tente dans la mosquée, puis deux autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont monté leur tente. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu ces tentes, a dit sallallahu alayhi wa sallam, al birra aradna bihada, est-ce le fait d'adorer Allah et de se rapprocher de lui qui les a amenés à monter ces tentes? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inzi'uha fala araha, enlevez-les, je ne veux pas les voir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait délaissé l'i'tikaf pendant Ramadan de cette année-là, et il a fait l'i'tikaf pendant les 10 premiers jours du mois de Shawwal. Ala kulli hal, al-maqsoud bil-i'tikaf inqita'u l'insani 'an an-nas liyatafarraga li ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'i'tikaf, la retraite spirituelle, c'est donc de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de délaisser les activités de cette vie d'ici-bas, de délaisser le fait de se mélanger aux gens pour se consacrer, s'isoler et se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'occuper son temps à lire le Coran, à faire du dhikr, à prier et à adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il est interdit, comme je l'ai dit, au mu'takif d'avoir un rapport avec son épouse ou tout ce qui est considéré comme préliminaire, que ce soit des embrassades ou des caresses. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ » Et ne cohabitez pas avec elles alors que vous êtes en retraite spirituelle dans la mosquée. Quant au fait de sortir de la mosquée, les mu'takifs, sa sortie de la mosquée est codifiée. Il ne sort pas quand il veut, quand bon lui semble. Et la sortie est de deux sortes. Soit une partie de ton corps sort, dans ce cas cela est autorisé, ou soit tu sors entièrement de la mosquée. Lorsque c'est une partie de ton corps qui sort, il n'y a pas de mal. Ainsi faisait le prophète alayhi salatu wassalam. La mosquée était collée à l'appartement de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wasallam sortait sa tête de la mosquée vers l'appartement de Aïcha radiallahu anha, et elle lui lavait les cheveux et le coiffait alayhi salatu wassalam. Quant au fait de sortir entièrement de la mosquée, il y a trois cas de figure. الأمر الأول الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا. La première raison, le fait de sortir pour une nécessité. Une nécessité physique ou une nécessité religieuse. Une nécessité physique comme le fait de faire ses besoins ou le fait de faire ses ablutions. Ou le fait de se laver pour celui qui est en état de grande impureté, en état de janaba, pour boire et pour manger. Ceci est autorisé. À partir du moment où l'accomplissement de ces choses n'est pas possible à l'intérieur de la mosquée. Si dans la mosquée, il y a à l'intérieur, dans l'enceinte de la mosquée, des toilettes et des douches, et que les repas sont fournis au mu'takif dans l'enceinte de la mosquée, alors il n'y a pas lieu qu'ils sortent. Il n'y a pas lieu de sortir. Celui qui fait al-i'tikaf, par exemple, dans al-Masjid al-Haram, les sanitaires sont à l'extérieur de la mosquée. Les sanitaires sont à l'extérieur de la mosquée, donc le mu'takif a le droit de sortir à l'extérieur, faire ses besoins ou se laver et revenir. Par exemple, s'il veut refaire ses ablutions, il y a des endroits dans la mosquée sacrée de la Mecque actuellement dans lesquels on peut renouveler ses ablutions sans avoir besoin d'aller aux toilettes. D'accord ? Donc là, dans ce cas, on dit non, tu ne sors pas car tu as la possibilité de refaire tes ablutions dans l'enceinte de la mosquée. La deuxième raison qui peut amener le mu'takif à sortir, الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه. Le fait de sortir pour adorer Allah Azza wa Jal, une adoration qui n'est pas obligatoire. Comme par exemple de rendre visite à un malade. Comme par exemple le fait de participer à une salat janaza, à une prière mortuaire. Dans ce cas, le mu'takif n'a pas le droit de sortir, sauf si, avant d'entrer dans son i'tikaf, dans sa retraite spirituelle, il a posé comme condition de sortir, par exemple s'il sait qu'un membre de sa famille est malade, et lorsqu'il rentre dans son i'tikaf, il pose comme condition que il pose comme exception de visiter tel membre de sa famille qui est malade. Ou s'il sait par exemple que un des membres de sa famille est mourant, il pose comme exception dans son i'tikaf de participer à sa prière mortuaire si ce mourant était amené à mourir pendant qu'il est en i'tikaf. Donc ici, donc la première raison, c'est lorsqu'il y a une nécessité, que ce soit physique ou religieuse. La deuxième, lorsque c'est pour accomplir un acte d'adoration qui n'est pas obligatoire, cela est autorisé à condition d'en avoir fait l'exception au moment de l'i'tikaf. Al-amr al-thalith, al-khuruj li-amr yunafi l'i'tikaf. La troisième raison, le fait de sortir pour accomplir des choses qui contredisent l'i'tikaf. On a dit que l'i'tikaf, c'est le fait de s'isoler et de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de sortir pour commercer, acheter de la marchandise ou en vendre, cela contredit le sens même de l'i'tikaf. Donc il n'est pas permis au mu'takif de sortir de la mosquée pour aller acheter de la marchandise ou pour aller en vendre. De même qu'il lui a interdit de sortir pour avoir des rapports avec son épouse, car cela n'est pas autorisé et fait partie des interdits de l'i'tikaf. Et concernant les choses qui contredisent l'i'tikaf, comme le fait d'acheter, de vendre, le mu'takif n'a pas le droit de les faire, n'a pas le droit de sortir pour ces raisons-là, même si il a posé cela comme une exception. Il va te dire, mais akhi, moi, j'ai mis, avant de faire l'i'tikaf, comme exception, que je dois aller vendre au marché tel jour de la semaine. On lui dit, akhi, non. Tu n'as pas le droit de sortir pour aller vendre au marché alors que tu es mu'takif, même si tu as posé cela comme une condition, car c'est une condition qui est nulle de par le fait que vendre et acheter, commercer, contredit l'esprit même et le sens même de l'i'tikaf. Durant ces 10 derniers jours de Ramadan et durant ces 10 dernières nuits de Ramadan, il y a également Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, qui est une nuit bénie. Une nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée. Il dit subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin. Wa hadihi al-laylah, wasafaha Allah subhanahu wa ta'ala bi annaha mubarakah, likathrati khayriha wa fadliha, wa min barakatiha, أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها ووصفها الله عز وجل بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله عز وجل تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك. Cette nuit القدر est une nuit bénie. C'est une nuit importante car c'est durant cette nuit qu'est descendu le Coran. Inna anzalnahu fi laylati mubarakah. Nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie. Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire que le Coran, sa descente a débuté pendant le mois du Ramadan et de façon particulière pendant cette nuit, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, le terme Qadr a deux significations. Le Qadr, à savoir la valeur, c'est-à-dire que c'est une nuit qui a une immense valeur. Et l'autre sens, comme on le traduit souvent, la nuit du destin. Car c'est une nuit dans laquelle la prédestination de tout ce qui va avoir lieu l'année suivante est donnée et portée à la connaissance des scribes. Tout ce qui va avoir lieu durant cette année, comme pourvoyance, comme durée de vie, comme chose bonne et mauvaise. والله سبحانه وتعالى خص لهذه الليلة سورة كاملة في القرآن. Et Allah عز وجل a consacré une sourate entière pour cette nuit del Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr wa ma adraka ma laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons fait descendre durant la nuit de l'Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit de l'Qadr? Une nuit meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, Ar-Ruh, qui est Jibril alayhi salam, par la permission de leur Seigneur en tout ordre. Cette nuit est meilleure que mille mois, c'est-à-dire dans son mérite et dans son honneur et dans le nombre de récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde. La grande récompense qu'Allah azza wa jalla accorde à celui qui veille cette nuit en priant et en adorant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tanazzalu al-malaikatu war-ruh. Les anges ainsi que l'esprit y descendent. Les anges qui sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivement dédiés à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de jour comme de nuit. Et Ar-Ruh qui est Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a cité Jibril alors qu'il fait partie des anges pour montrer son importance, sa particularité, et que c'est le meilleur des anges et celui qui a le plus de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix jusqu'à ce que apparaisse l'aube. C'est-à-dire que cette nuit, la nuit de l'Qadr, est une nuit de paix pour les croyants, une nuit dans laquelle toute peur les concernant se dissipe, car c'est une nuit dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala épargne de l'enfer un grand nombre de ses serviteurs. Et le fait qu'un grand nombre de ses serviteurs se voient épargnés de l'entrée en enfer, cela dissipe leur peur et installe en eux une paix et une sérénité. حتى مطلع الفجر. Jusqu'à l'apparition de l'aube, car à l'apparition de l'aube, eh bien, cette nuit du destin se termine et s'achève. Les mérites de cette nuit sont donc nombreux. Allah Azza wa Jal y a fait descendre son Coran. Le Coran qui est une guidée et une lumière pour les gens. Ce qui montre également son importance, c'est qu'Allah Azza wa Jal a dit « Wa ma adraka ma laylatul qadr » Et qui te dira ce qu'est la nuit de l'Qadr? C'est-à-dire, et qui te montrera l'immense importance qu'a cette nuit? et le grand mérite qu'elle a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, cette nuit est meilleure que 1000 mois, que les anges y descendent avec le bien et la bénédiction et descendent avec eux le meilleur de ces anges, à savoir Jibril alayhi salam. Et la nuit de l'Qadr se trouve durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Taharraw laylat al-Qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan. Dans le hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Recherchez la nuit de l'Qadr durant les 10 derniers jours de Ramadan. وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Dans le sahih de l'imam al-Bukhari, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: recherchez la nuit du destin dans les nuits paires des 10 derniers jours de Ramadan. Donc la nuit du destin, la nuit de l'Qadr, se trouve durant les 10 derniers jours de Ramadan. Et de façon plus précise, durant les 10 dernières nuits impaires de Ramadan. Et de façon plus précise, fi sab'i al-awakhir aqrab. Les hadiths Ibn Umar radiyallahu anhuma, anna rajulan min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna rijalan من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت في 7 الأواخر فمن كان متحريها فليتحراها في 7 الأواخر والحديث متفق عليه. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de probabilité qu'elle soit durant les 7 dernière nuit de Ramadan, car dans le hadith de Abdullah ibn Omar, des hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vu en rêve que cette nuit de Al-Qadr avait lieu durant les 7 dernières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu, je constate que vos rêves coïncident avec les 7 derniers jours. Celui donc qui recherche, celui donc qui la recherche, c'est-à-dire qui recherche cette nuit de l'Qadr, qu'il la recherche alors dans les 7 dernières. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على 7 البواقي. Il dit عليه الصلاة والسلام: recherchez, c'est-à-dire la nuit de l'Qadr, durant les 10 dernières. Et si l'un d'entre vous est affaibli ou s'il est incapable, alors qu'il ne soit pas فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِ. Il doit prendre le dessus sur son incapacité lors des 7 dernières. Autrement dit, lorsque les 10 dernières nuits entrent et qu'une personne est malade ou ne se sent pas bien ou n'est pas motivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce manque de motivation ou que cette incapacité ne l'empêche pas de profiter et de rechercher cette nuit de l'Qadr durant les 7 dernières. Car il y a une grande probabilité que cette nuit de l'Qadr se trouve dans les 7 dernières. Et la probabilité est plus grande durant la 27e nuit. La preuve est le hadith d'Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu. أنه قال والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27. Ubay ibn Ka'b رضي الله عنه a dit par Allah, je sais de quelle nuit il s'agit. Il s'agit de cette nuit que nous a ordonné le prophète صلى الله عليه وسلم de veiller en prière. C'est la 27e nuit, rapportée par l'imam muslim. وَلَا تَخْتَصُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ بِلَيْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي جَمِيعِ الْأَعْوَامِ بَلْ تَتَنَقَّلُ. Les avis des savants sont nombreux sur quelle est la nuit de l'Qadr. Il y a plus de 40 avis sur ce sujet. Et des savants ont dit, parmi le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et ici le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que cette nuit change en fonction des années. Qu'une année elle peut coïncider avec la 25e, que l'année suivante, la 27e, la 21e, la 23e, et ainsi de suite. Et la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, où il dit alayhi salatu wa sallam, il tamisuha fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Recherchez-la dans 9 nuits restantes, dans les 7 nuits restantes, dans les 5 nuits restantes. Et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala a dit arjahu al-aqwal annaha fi witrin min al-ashr al-akhir wa annaha tantaqil. Il dit, rahimahullah, l'avis le plus prépondérant des savants est que la nuit de l'Qadr se trouve dans les nuits impaires des 10 dernières et qu'elle change et qu'elle se déplace d'une année à une autre. Et ceci est une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait caché la nuit exacte de cette nuit de l'Qadr, il y a derrière cela une miséricorde de la part de notre Seigneur et une sagesse divine, subhanahu wa ta'ala, afin que les musulmans redoublent d'efforts durant toutes ces nuits dans l'adoration de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, en prière, en faisant du dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, en lisant du Coran, en faisant des invocations, à travers toutes ces adorations, ils se rapprochent de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, leur foi augmente, et ils dépassent leurs limites. Ils dépassent leurs limites, et se rendent compte que lorsqu'ils le veulent, ils peuvent adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon belle, d'une façon dévouée, en toute humilité à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'en réalité, il est capable de prier la nuit, il est capable de jeûner la journée, il est capable de lire énormément le Coran, il est capable d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant de longs moments. Et cette capacité dont il se rend compte qu'il est apte à accomplir, cela lui permet de se remettre en cause et de revoir son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala durant les autres mois de l'année. Nous devons donc redoubler d'efforts durant ces 10 derniers jours qui entrent aujourd'hui et suivre les pas de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné les péchés antérieurs et futurs. Mais cela, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que ses péchés antérieurs et futurs étaient pardonnés par son Seigneur subhanahu wa ta'ala, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il allait entrer au paradis, cela n'a fait qu'augmenter sa dévotion envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds saignent, alayhi salatu wassalam, et Aïcha radiallahu anha de l'interpeller en disant: ô envoyé d'Allah, Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Autrement dit, pourquoi adores-tu Allah de cette façon, d'une façon aussi dévouée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant, reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaits innombrables dont il m'a comblé. Ainsi doit être le musulman dévoué à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et nous devons retrousser nos manches durant ces 10 dernières nuits, car ce sont des nuits comptées, et vous savez mieux que moi que nous avons l'impression que Ramadan est entré hier et nous avons l'impression qu'il va partir demain. Ces 10 dernières nuits peuvent paraître longues, mais en réalité elles sont courtes. Et ce court moment, nous devons en profiter au maximum, car il est possible que ce soit le dernier Ramadan de ton existence. Personne assis dans cette assise ne peut lever sa main et confirmer que l'année prochaine il sera bien là pendant le Ramadan, et que cette occasion, ces 10 derniers jours dans lesquels il n'aura pas profité comme il se doit de se rapprocher de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas garantir que ce retard et ce manquement, il pourra les corriger et les rattraper l'année suivante. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَدَ تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٌ. Aucune âme ne sait ce qu'elle aura comme pourvoyance au lendemain, et aucune âme ne sait dans quelle terre elle mourra. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.